Chesneau, Georges Malbruno et leur compagnon Mohamed Al-Joundi. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Et bien sûr, vous pouvez consulter le site de Reporters sans frontières, les www.rsf.org. Vous écoutez France Inter, bon week-end à vous, il est 13h20. Il est temps de retrouver Rendez-vous avec X qui aujourd'hui ouvre le dossier de Georges Guingouin. C'est une histoire qui fait froid dans le dos. L'histoire d'un homme humilié, calomnié, emprisonné, battu, 9 ans seulement, après avoir commandé le plus grand maquis de France et reçu les décorations nationales et internationales les plus prestigieuses. Telle est pourtant la vérité, une vérité qui dérange encore aujourd'hui, tant elle semble incroyable. Georges Guingouin, l'une des plus belles figures de la résistance, selon le général de Gaulle, a en effet connu cette descente aux enfers après avoir été fêté en héros à la Libération. Si M. X a voulu ouvrir ce douloureux dossier, c'est que, malgré l'issue judiciaire favorable au colonel Guingouin, il reste à dénouer les fils de la monstrueuse machination qui l'a conduit en prison. Une citation avant d'écouter mon interlocuteur, je l'ai trouvée chez Philippe Robrieux, auteur d'une monumentale histoire du Parti communiste français parue chez Fayard. Robrieux dresse le portrait de Guingouin. De haute stature, dans les 1m75 au moins, il était presque devenu en Limousin un personnage de légende, avec son casque, ses lunettes, sa forte mâchoire, son visage un peu anguleux, sa carrure sportive et son allure de grand trois carrels, son langage d'instituteur, non pas châtié, mais toujours correct, sa parole forte et sa façon bien à lui de se montrer chaleureux, avenant même avec le mot qu'il faut et la mine qui convient, le teint légèrement coloré qui caractérise les hommes du peuple, un peu le genre des bons officiers de terrain, des meneurs d'hommes de la guerre de 14-18. Il était de ces leaders qui gardent ce qu'il faut de distance, tout en sachant parler aux gens sous leurs ordres avec lesquels ils établissent un bon contact. Bien que quelque peu nerveux dans certaines de ses réactions, sa stature, sa façon de parler, ses mérites et son courage connu de tous lui conféraient une autorité naturelle et une aura incontestable auprès de sa base militante. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. France Inter, rendez-vous avec X. Une date, pour commencer. Une date symbolique. C'est le 18 juin 1940 que Georges Guingouin entre en résistance. Une coïncidence ? Bien sûr. Ce jeune instituteur n'a certainement pas entendu l'appel du général de Gaulle diffusé sur les ondes de la BBC. Par contre, la veille, il a vraisemblablement écouté le discours défaitiste du maréchal Pétain qui appelle à la fin des hostilités et aboutira au désastreux armistice de juin 1940. Ouais, décidément, vous n'aimez pas Pétain. Bon, je m'en suis jamais caché, mais enfin, il ne s'agit pas de moi pour l'instant. Hein. Donc ce 18 juin 1940, Guingouin se trouve à l'hôpital de Moulins. Mobilisé en 1939, il vient d'être blessé. Les Allemands commencent à investir la ville. Le jeune homme ne veut pas être capturé sous les balles. Il s'enfuit de l'hôpital et tant bien que mal rejoint son Limousin natal où il va immédiatement commencer la résistance à l'occupant. Ah oui. Avant de poursuivre, quand même, un mot sur son parcours avant 1939. Oui, Georges Guingouin, fils d'une institutrice et d'un sous-officier de carrière tué lors de la Grande Guerre, a été profondément marqué par sa terre natale. Le Limousin a en effet une longue tradition révolutionnaire, et pas seulement dans la classe ouvrière. À la campagne aussi, on est résolument de gauche et parfois même communiste. Alors, c'est presque naturellement que Guingouin va épouser des idées d'extrême-gauche. Oui, oui, au début des années 30, il entre à l'école normale, qui est encore l'institution qui forme les hussards noirs de la République. Ouais, les instituteurs, hein, c'est ça. Et c'est là que ce lecteur impénitent découvre le communisme et adhère au syndicat des ouvriers révolutionnaires. Après son service militaire, il est nommé à Saint-Gilles-les-Forêts, un village de Haute-Vienne perché sur les pentes du mont Gargan, là même où plus tard Guingouin se battra victorieusement contre les Allemands. Instituteur, secrétaire de mairie, il devient aussi le responsable du rayon du Parti communiste des Moutiers. Le rayon, vous savez ce que c'est ? Oui, c'est une réunion de cellules, quoi. Oui, un mot qui disparaîtra ensuite au vocabulaire communiste. Guingouin est alors un militant ardent et dévoué, mais pas toujours soumis aveuglément aux autorités du parti. Ah oui, c'est-à-dire... Guingouin est un démocrate. Pour lui, c'est la base qui doit décider. Ça lui vaut d'être plusieurs fois en bisbille avec l'appareil. En particulier quand celui-ci essaie d'imposer des candidats aux élections qui n'ont pas été désignés par les militants. De la même façon, il est sérieusement troublé par les procès de Moscou. Ouais, et sans doute par le pacte germano-soviétique. Ah bah là encore, il se pose des questions. Mais comme beaucoup d'autres militants communistes, il se rassure en se disant que c'est une ruse de Staline et que le véritable ennemi demeure le nazisme. Toutefois, quand l'Allemagne et l'URSS envahissent de conserve la Pologne, là, ils se mettent à douter. C'est donc, enfin, pour résumer, un communiste atypique, quoi. En tout cas, un homme qui n'est pas prêt à avaler toutes les couleuvres staliniennes. Mais il reste néanmoins au parti, hein. Oui, toutefois, dès cette époque, il a une réputation de vilain petit canard. Puis ça ne va pas s'arranger. Alors, si vous le voulez bien, revenons au retour de Guingouin dans son Limousin. Mais... C'est-à-dire, après sa fuite de l'hôpital, hein. Oui, il se réinstalle dans le village où il est instituteur. Et à peine rentré, il n'a rien de plus pressé que de contacter ses anciens camarades du parti et de les organiser en petits groupes clandestins de trois. Pourquoi faire alors ? Bon, au début, il s'agit essentiellement de diffuser des tracts et de fabriquer des faux papiers d'identité. Ces tracts Bon, le plus important est titré « Appel à la lutte ». Ça me paraît clair. Ouais, la lutte contre le nazisme. Et la dictature fasciste de Pétain. C'est très important parce qu'encore une fois, Guingouin se démarque des positions officielles du Parti communiste. En 1940, après la défaite, les dirigeants communistes en sont encore à la thèse de la guerre impérialiste et ils renvoient dos à dos l'agresseur hitlérien et la Grande-Bretagne. Et puis, ils demandent à l'occupant l'autorisation de faire reparaître l'humanité. C'est exact. Et Guingouin, comme par exemple Charles Tillon, le futur chef des FTP, se situe donc d'emblée sur une autre ligne, la lutte pour l'indépendance nationale. Et il est particulièrement choqué par une note de la direction du parti qui, au nom de la solidarité prolétarienne, recommande d'être sans haine vis-à-vis des soldats allemands. Tout ça changera quand même avec l'invasion de l'URSS par les troupes de Hitler. Bah, évidemment, et le parti autorisera les attentats individuels contre les Allemands. Donc là, il s'agit d'une divergence majeure avec la direction du parti. Et non sans une certaine naïveté, Guingouin enverra un courrier à Jacques Duclos, patron du parti depuis la fuite de Torres à Moscou, pour le persuader de la justesse de sa ligne. Ouais, enfin, c'est Staline qui commande. Hein. Bien évidemment. Enfin, quoi qu'il en soit, et malgré une fin de non-recevoir, Guingouin ne se décourage pas, bien au contraire. À la rentrée scolaire de 1940, il rejoint son école. Mais déjà, il se méfie et prend garde à ne pas dormir au même endroit tous les soirs. Parce qu'il est déjà repéré. En tout cas, il le craint. Et il a raison, puisqu'après un mois de classe, il est révoqué. À partir de cet instant, il va vraiment plonger dans la clandestinité. Sous le pseudonyme de Raoul, il organise patiemment son réseau et rallie de nombreux militants à sa cause. Mais attendez, où vit-il alors? Il se cache d'abord chez des paysans amis. Le soir, il imprime ses tracts dans des bâtiments agricoles, des bergeries, des étables. Et au début de 1941, il frappe un grand coup. Le jour de la foire des Moutiers, il organise une distribution nocturne et massive de tracts qui appelle au rassemblement de tous les patriotes contre l'occupant. Comment réagit le Parti communiste? Parce que c'est avant l'invasion de l'URSS. Oui, la direction du parti, qui est clandestin, je vous le rappelle, infléchit peu à peu sa ligne et opte pour une politique plus anti-allemande. Mais Duclos, en particulier, exclut par exemple tout rapprochement avec la France libre. Et pas Guingois? Non. Toutefois, les choses vont aller vite, puisqu'en juin 41, les troupes hitlériennes entrent en URSS. Et déjà, à cette époque, Guingois, pour ne pas compromettre les paysans qui l'aident, a décidé de vivre dans les bois. Autant dire qu'il a choisi la vie la plus difficile qui soit. Et pendant toutes ces années de maquis, Lougran, comme on l'appelle... Le grand en Occident. Bien sûr. Lougran va affronter l'inconfort, la fatigue, le froid, parfois la faim et toujours la peur. La peur d'être pris. Oui, car dans la région, bientôt, Guingouin va devenir l'homme à capturer en toute priorité. D'autant que le maquisard va désormais passer de la résistance civile à la résistance armée. Et il commence chez lui, dans cette petite mairie dont il était le secrétaire. Ouais. Que fait-il là? Il dérobe des cartes d'alimentation qu'il distribue à ses compagnons ou à des amis dans le besoin. Et c'est une donnée fondamentale si l'on veut bien comprendre Guingouin. Pendant toutes ces années d'illégalité, il aura à cœur de réparer les injustices, de réprimer le marché noir et d'obliger les commerçants à ne pas profiter de la situation. Ah, il y a du Robin des Bois chez lui. Incontestablement. Ouais. Ouais. Le vol de ces cartes d'alimentation sous la menace d'une arme, c'est donc une première. Oui, et un simple début. Car Georges Guingouin a maintenant l'ambition de créer une véritable armée de partisans. Hey, on est à quel moment là? Fin 1941. Mm-hmm. Il faut souligner qu'il est bien en avance sur le Parti communiste. La création des FTP n'aura lieu que quelques mois plus tard. Mais cette idée lui vaut ses premiers vrais déboires avec le Parti communiste. C'est étonnant, non? Je vous explique. Duclos et les autres n'imaginent la lutte que dans des zones urbaines. Ah oui, c'est-à-dire là où il y a des ouvriers. Bien entendu. Les communistes se sont toujours méfiés des paysans. Des individualistes, des petits propriétaires. Mais on sait comment Staline les a traités en URSS. Oui, par conséquent, l'initiative de Guingouin déplaît. Elle déplaît, même si fort, qu'un des chefs communistes de la zone sud est chargé de le ramener à la raison. Mais Guingouin n'entend pas renoncer. Et ce délégué, rendant compte à sa direction, dit qu'il a eu affaire à un fou et qu'il vit dans les bois. Un fou, notez-le bien. Parce que l'expression resservira opportunément plus tard. En attendant, le fou, il est viré du parti. Maintenant, condamné par contumace à 20 ans de bagne, il a contre lui la police, la gendarmerie, la Gestapo. Et il ne peut guère compter sur le soutien du Parti communiste. Mais fois je prie, des fois je me réfugie. Rendez-vous sur la lande, et qu'enfin ce cela la nuit, qu'on me presse une orange, de ma peine je ferai mourir. Dans les herbes folles, tu peux courir pour des aveux. Dans lieu. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le journaliste Michel Taubman a consacré un ouvrage à Georges Guingouin, un livre qui fourmille de révélations. Dans ce court passage, il évoque les différences idéologiques entre le maquisard et la direction communiste. Dès l'automne 40, Georges Guingouin a compris la nécessité de dénoncer les sacrifices imposés aux petits paysans. Dans son premier tract, en termes peu conformes à la logomachie marxiste en cours au PCF, il ressuscitait du fond des mémoires des descendants des croquants la traditionnelle opposition des nobles et des roturiers. Camarades paysans, ils ont assassiné la République française, celle que t'avais donnée en héritage tes ancêtres, quand ils prirent les châteaux des seigneurs. Pétain et sa clique se sont chargés de te passer définitivement les chaînes pour te rendre à l'antique esclavage. Ils veulent nous faire revenir au temps des seigneurs. Raoul applique à sa convenance l'orientation du parti. Il en reprend les aspects anti-pétainistes qu'il juge adaptés à la situation locale, mais refuse de cautionner les dérapages équivoques. En janvier 1941, dans le premier numéro du Travailleur Limousin, organe clandestin de la région, il n'écrit aucune ligne contre l'Angleterre ou de Gaulle et souhaite le rassemblement le plus vaste de tous les Français patriotes. Or, à la même époque, l'avis du parti met en garde les militants contre le gaullisme qualifié de déviation nationaliste. L'affaire Guingouin de Michel Taubman a été publiée aux éditions Lucien Souny et il y a quelques jours, il a été réédité. Coupé du parti, Lougrane ne peut donc compter que sur la complicité des paysans et la protection des forêts du Limousin. Cela n'empêche pas de monter les premiers groupes armés, d'abord en Haute-Corrèze. Des francs-tireurs, ainsi appelés en souvenir des partisans qui ont harcelé les Prussiens en 1871. Et dès la fin 1942, ils passent à l'action, en s'attaquant aux botteleuses. Les botteleuses, c'est les machines à faire des bottes de foin, mais pourquoi? Ouais. Ces botteleuses servent à presser le fourrage réquisitionné à bas prix par l'occupant et envoyé directement en Allemagne. Le résultat, c'est que les paysans n'ont plus de foin ou doivent l'acheter à des prix prohibitifs. Ouais, Romain et Bois, toujours. Oui, et les hommes de Guingouin procèdent à une destruction systématique de ces botteleuses. Et bientôt, le maquisard forme une première vraie troupe, qu'il appelle la première brigade de marche. Elle compte une centaine d'hommes armés, vêtus d'uniformes, dérobés au chantier de jeunesse. Ouais. Guingouin a aussi le sens de l'ordre. Et de la discipline, c'est certain, oui. Tout débordement est sévèrement puni. En même temps, Guingouin veille scrupuleusement à la sécurité de sa petite armée qui se déplace en permanence. Et s'il reçoit des émissaires, ils ne viennent à lui que les yeux bandés. Le résultat, c'est que les partisans règnent en maître sur ces forêts. Et les Allemands eux-mêmes parlent de la région comme d'une petite Russie, c'est dire. C'est une zone libérée avant l'heure. Et non seulement Guingouin y fait la loi, mais il multiplie les actions armées. Par exemple alors. Après s'être emparés d'explosifs, les partisans font sauter un viaduc ferroviaire avant de bloquer le départ des jeunes hommes réquisitionnés pour aller travailler en Allemagne. Le STO. Oui, et ces hommes vont venir renforcer les rangs des francs-tireurs. 2 mois plus tard, C'est une usine qui produit du caoutchouc pour les Allemands, qui est dynamité. Le caoutchouc était un produit stratégique. Essentiel, tout à fait, oui. Et un câble souterrain qui relie la base de sous-marins de Bordeaux à son état-major berlinois et saboté. Cette activité débordante, car je ne parle pas des coups de main ponctuels contre l'occupant, attire l'attention des services alliés. Et lesquels? Le fameux SOE, mis en place par Churchill dès le début de la guerre. Ouais. Et Guingois, à partir de la mi-43, va bénéficier de parachutage d'armes. Pourtant, à Londres, on doit savoir que Guingois est communiste, même s'il a eu des démêlés avec le parti. C'est certain, et c'est vrai, le SOE aide en priorité les maquis qu'il contrôle, ou ceux qui ont l'aval de la France libre et de l'armée secrète. Alors, y a-t-il eu subterfuge? Enfin, ça, je ne sais pas, même si c'est probable. En tout cas, les faits sont là. La troupe de Guingouin va recevoir de nombreux parachutages qui vont lui permettre de s'équiper peu à peu très efficacement. Je reviens sur ce mot-là. Vous avez utilisé subterfuge. Vous pouvez pas en dire plus, là? On a prétendu plus tard que certains émissaires de Guingouin avaient pris contact avec le SOE en se présentant comme des membres de l'armée secrète. C'est-à-dire des gaullistes? C'est tout à fait possible. Mais le SOE n'aurait pas pu être abusé durablement, non. Non, je crois plutôt que les Britanniques n'ont jugé qu'en fonction de l'efficacité de Guingouin. Ils ont fermé les yeux sur ses opinions. Mais ce puissant coup de main de Londres va avoir une conséquence redoutable. Quoi? Ça n'arrange pas les rapports de Guingouin avec le Parti communiste. Et ça va même très loin. Dès juin 1943, des partisans interceptent un ancien des brigades internationales qu'ils suspectent de vouloir assassiner leur chef. 3 mois plus tard, lors d'une réunion clandestine des FTP à Limoges, Guingouin est accusé d'être un agent de l'intelligence service. Ah, parce qu'il reçoit des armes des Britanniques? Bien sûr. Mmh. Et on évoque la nécessité de le liquider. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et finalement, il est décidé de sursoir. Et on trouve plus habile d'essayer de l'éloigner de son maquis. Non, mais comment alors? Il lui est proposé de prendre le commandement des FTP du Puy-de-Dôme. C'est quand même une sorte de réintégration. Sans doute, mais Guingouin n'entend pas se séparer de ses hommes et il refuse. Mmh. Encore un sérieux accro avec le PC. C'était pas le dernier. Mais Guingouin, qui, lorsqu'il enjoint aux trafiquants du marché noir de cesser leur activité, signe le préfet du maquis. Il est de plus en plus populaire et dirige maintenant une véritable armée de francs-tireurs. Au moment de la libération, il pourra rassembler jusqu'à 20 000 combattants. Donc le PC doit compter avec lui, et il transige. En juin 44, Georges Guingouin est officiellement désigné comme chef départemental des FTP. Enfin, une reconnaissance de son action. Absolument. Et il est évident que le maquis du Limousin va jouer un grand rôle dans la libération de la France. Il l'a déjà fait en harcelant la sinistre division SS d'Asreich. Ouais, celle qui est responsable des pendaisons de Tulle et du massacre de Radeau. Exactement. Et cette division, dès l'annonce du débarquement allié en Normandie, a reçu l'ordre de quitter ses quartiers du sud-ouest et de renforcer au plus vite le front. Mais quand elle passe à travers le Limousin, elle est donc harcelée par les hommes de Guingouin. Et ses combats de guérilla la retarderont efficacement. Le général Eisenhower pourra dire plus tard que sans l'action décisive de Guingouin, le sort de la guerre aurait pu en être bouleversé. Deuxième reconnaissance. Qui vaudra à Guingouin l'octroi d'une des plus hautes distinctions américaines. Mais aussi, en juillet, une offensive en règle de l'armée nazie contre la petite Russie. Ouais. Au fond, comme dans le Vercors et les Glières. Oui, la même tactique d'encerclement. Mais à différence de ces maquis qui ont courageusement résisté, mais qui ont été finalement anéantis, Guingouin attend l'ennemi de pied ferme et il dispose de suffisamment d'armes pour faire face. C'est ce qu'on a appelé la bataille du Mont Garban. Mmh. Combien d'hommes de part et d'autre, là? Mais les colonnes allemandes qui montent à l'assaut regroupent 4000 hommes, épaulés par 200 miliciens. Les miliciens, là encore, comme au Vercors. Oui, ouais. En face, Guingouin a rassemblé 3000 FTP. Et pour la première fois, il ne va pas livrer un combat de harcèlement et de guérilla, mais une vraie guerre, front contre front. Le 17 juillet, ses troupes repoussent un premier assaut. Mais les Allemands reviennent à la charge. Les combats durent une semaine. Plus de 300 soldats ennemis sont tués, une quarantaine du côté des résistants. Les Allemands doivent décrocher. C'est la victoire du maquis. Ah, une victoire incontestable et unique dans l'histoire de la résistance. Mais malgré ce succès, il reste des troupes ennemies dans la région. À Limoges en particulier, qui est toujours occupée. Et le PC voudrait que Guingouin lance ses maquisards à l'assaut de la ville pour la libérer. Mais le préfet du maquis, le Tito français, comme on l'appelle désormais, refuse. Pour quelle raison? Il estime que cette opération serait trop coûteuse en vie humaine. Et il a en mémoire l'exemple dramatique de Tulle, où après la libération de la ville, les SS de la division Das Reich avaient repris le contrôle de l'agglomération et s'étaient vengés en pendant une centaine de civils. Non, Guingouin préfère agir autrement, en encerclant la ville et en attendant que les Allemands se rendent ou fuient. Ce qui va être le cas. Effectivement. Et le 20 août, Guingouin et ses hommes entrent en vainqueur dans Limoges. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Non, mais ce nouveau bras de fer avec le PC pèsera lourd dans la suite du destin de Guingouin. Enfin, n'allons quand même pas trop vite. Ça me manquait, ça. C'est un peu facile. Et puis, lorsque j'évoque cette histoire, j'ai vraiment pas envie de sourire. Ouais, autant pour moi. Alors, poursuivons. Après ce dernier succès, Guingouin est maintenant l'homme fort de Limoges, mais aussi de la région, même si la lutte pour le pouvoir est déjà secrètement engagée. Son premier souci, c'est de rétablir l'ordre, et surtout d'éviter les règlements de compte sauvages. Dès le 22 août, il ordonne à ses hommes de regagner leur caserne. Deux jours plus tard, il institue une cour de justice militaire et interdit toute arrestation effectuée sans un mandat d'arrêt régulier. Et pourtant, on fera de Guingouin le chef d'orchestre de la Terreur Rouge et le grand épurateur du Limousin. Pénaud, rendez-vous avec X. La direction du Parti communiste a-t-elle donné l'ordre d'assassiner Guingouin ? Oui, si j'en crois Roger Faligaud et Rémi Koffer dans leur ouvrage « Les résistants » publié chez Fayard. Je cite ces deux auteurs. Il y avait un ordre permanent d'abattre Guingouin. Voilà une des révélations de Guy Serba qu'il lui fut impossible d'inclure dans son histoire des FTP. Le commandant Kérol, nom de guerre de Serba, sait de quoi il parle. Il fut chargé de transmettre cet ordre dont l'intéressé Guingouin nous a confirmé l'existence. En outre, un spécialiste des coups de main audacieux, le lieutenant FTP Marteau, nous a raconté comment, au cours d'une mission de liaison dans les maquis de Guingouin, pour le compte du PC, il se retrouva prisonnier du chef de la brigade de marche du Limousin, tant ce dernier se méfiait alors des envoyés du parti. Charmante ambiance. Avant de continuer, peut-on faire un point objectif sur cette question de l'épuration en Limousin ? Je vais essayer. Mais il faut d'abord dire que le Limousin a été une des régions qui a le plus souffert de l'occupation allemande et de ses nombreuses exactions. Les SS et les miliciens y ont perpétré d'innombrables massacres. Ouais. Donc le désir de vengeance y était très fort. Sans aucun doute. Ce qui n'excuse pas les règlements de compte. Il est sûr que certains en ont profité pour se débarrasser de tel ou tel. Sans aucune justification politique. Mais il en a été de même avec la délation généralisée sous Vichy. C'est pratique pour dénoncer un voisin ou un rival, récupérer un appartement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors voyons ce qu'il en est de la responsabilité de Guingouin. Ouais, et de la cour de justice militaire qu'il a mise en place. C'est ça. En 3 semaines d'existence, cette cour a prononcé 299 arrêts, dont 74 condamnations à mort. Vous voyez que je suis précis. Ouais. Est-ce que les inculpés ont eu droit à une justice équitable ? Ils ont tous été défendus par un avocat choisi sur une liste établie par le comité de libération. Un véritable avocat ? Oui. Au bout de ces 3 semaines, cette instance juridique a été remplacée par une cour martiale, placée sous l'autorité du commissaire de la République, nommé par le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Donc là, Guingouin n'est plus responsable. En effet. Cette seconde cour va juger plus de 300 personnes et prononcera elle aussi 74 condamnations à mort. Alors, il y a quand même la question de l'épuration sauvage. Ici, les chiffres sont plus contestables. Mais selon le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il aurait été procédé à 250 exécutions imputables à la résistance, la plupart ayant été perpétrées avant la libération. Donc avant la fin de la guerre. Et la résistance ne s'est jamais interdite d'exécuter des traîtres ou des délateurs. Ouais, là, c'est des faits de guerre. Naturellement. Ouais. Alors voilà la vérité. C'est sans doute déjà trop de morts, mais on est loin des milliers d'assassinats qu'on attribuera plus tard, injustement, à Guingouin et ses hommes. Ai-je répondu à votre question ? Parfaitement, oui. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Étant donné sa popularité, Guingouin est presque naturellement élu maire de Limoges. Est-ce qu'il est revenu en odeur de sainteté chez les communistes ? En apparence, oui. Mais en réalité, les dirigeants du parti n'ont rien oublié. En tout cas, L'élection de Guingouin fait grincer pas mal de dents. Limoges est en effet une ville traditionnellement acquise à la SFIO. Et c'est la première fois qu'elle élit un maire communiste. Alors les socialistes limougeaux se sentent dépossédés? Oui, d'autant plus que leurs dirigeants locaux n'ont guère brillé dans les rangs de la résistance. L'ancien député maire, par exemple, a fait partie des parlementaires qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain en juillet 1940. Mais d'autres dignitaires du parti n'ont pas non plus, c'est le moins qu'on puisse dire, pris une part quelconque à la lutte contre l'occupant. Ouais, c'est-à-dire... L'un d'eux, un intellectuel, véritable patron de la SFIO dans le département, pacifiste avant la guerre, a choisi de ne pas choisir. Ça ira même plus loin puisqu'il déclarera que l'action de la résistance est dérisoire. Quant au troisième, c'est pire. Ancien dirigeant du quotidien local. Le Populaire, c'est ça. Le Populaire du Centre, oui. Eh bien, sous l'occupation, il crée un autre journal qui soutient la Révolution nationale de Pétain. Autant dire que ces trois-là ne sont pas les amis de Guingouin et qui n'ont qu'une idée en tête, se débarrasser de lui au plus vite. Mmh. Mais comment alors? Une parenthèse auparavant. En novembre 44, le chef FTP est victime d'un curieux accident automobile. Or, sa traction sortait d'une révision. Un attentat? Pourquoi pas? Enfin, je réponds à votre question. Comment? Ça commence de façon étrange très tôt. Dès 1945, dans un journal conservateur de la région, un authentique résistant, Jean-Louis Vigier, accuse Guingouin d'être le chef d'une bande terroriste communiste et d'avoir commandité en juillet 44 l'assassinat de plusieurs officiers de l'armée secrète. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dessous? Ces officiers ont été effectivement abattus par un maquisard ou prétendu tel. Mais les FTP ont fait justice eux-mêmes et ont liquidé cet individu. Sur ordre de Guingouin? Ça, c'est possible. En tout cas, le chef FTP porte plainte et obtient rapidement gain de cause. Mais, manifestement, l'attaque n'était pas innocente. Et il est fort probable que Vigier a été manipulé. Mais ce n'est qu'un début. Guingouin va maintenant devoir se battre contre ses adversaires de la SFIO qui n'ont toujours pas digéré le fait d'avoir été supplanté, et aussi contre le Parti communiste. Alors, si vous voulez bien, voyons ça de plus près. Ouais, dans l'ordre, la SFIO d'abord. Contre toute attente, l'ancien maire... Celui qui a voté en faveur de Pétain. Oui, ouais. Eh bien, il récupère son siège de maire en 1947. Et l'homme qui a dirigé ce journal favorable à la politique de Vichy, retrouve tout bonnement son poste dans le quotidien local. Ouais. Deux adversaires sont donc remis en selle. Et le troisième fourbit ses armes. Et vous allez voir de quelle façon. Mais encore un peu de patience. Les communistes, maintenant. Ils ont par force dû réintégrer Guingouin. Mais ce dernier, qui n'est certes pas un homme prêt à faire des concessions, exige que la direction du parti fasse son autocritique à propos des erreurs commises à son encontre. C'est même plus que des erreurs si vraiment on a essayé de l'abattre. Là, vous avez raison. Et pendant un moment, le parti fait gros dos. Torres promet même qu'une enquête interne sera diligentée. Et il accepte que Guingouin devienne secrétaire fédéral. Du parti, oui. Mmh. Et ça calme Guingouin? Pas du tout. L'ancien chef FTP réclame toujours à corps et à cri que la lumière soit faite, mais c'est la foudre qui va lui tomber dessus. C'est-à-dire En 1952, on lui enjoint de ne plus parler de ses vieilles affaires de la guerre. Et comme Guingouin insiste, il est démis de ses fonctions de permanent. Puis en même temps que le parti instruit le procès de Charles Tillon et André Marty, Duclos se déchaîne contre lui. Il reprend les accusations déjà formulées par Vigier et va encore plus loin. Guingouin aurait détourné à son profit le trésor de guerre de la résistance. Le renégat, cet ennemi de la pire espèce, comme on l'appelle dans l'humanité, est exclu et couvert d'opprobre. Et ses amis résistants alors? Ils le soutiennent, bien sûr, mais le parti est alors tout puissant. Et les militants, aveuglés par leur foi communiste, le lâchent peu à peu. Ouais, c'est ça, le parti a toujours raison. Enfin, c'est ce qu'on pense à l'époque. Mmh. Et la machine à broyer va continuer son œuvre sinistre, sans doute avec l'aide secrète des communistes. En 1953, un policier qui a contribué à la chasse aux résistants sous l'occupation et qui est passé à travers les mailles du filet à la libération, exhume deux vieilles affaires de meurtre. Et en s'appuyant sur le témoignage d'un ivrogne, il établit que Guingouin a commandité ces assassinats. Et pour vous, il n'y a pas de doute, Guingouin était innocent? Absolument. Il n'empêche, Guingouin est présenté à un magistrat qui lui aussi a prêté serment à Pétain. Et lorsqu'il ressort du cabinet de ce magistrat, il est menotté. Oui, conduit en prison? Immédiatement. La presse socialiste, qui lui est hostile, bien sûr, se déchaîne contre lui. Le Populaire du Centre commence même la publication d'une série d'articles intitulés « Limousin, terre d'épouvante ». Il se produit alors un événement étrange. Un inspecteur de police se présente à la prison de Brive. Il vient d'apprendre que Guingouin s'est pendu. Pendu dans sa cellule? Ouais. C'est faux, bien sûr. Oui, Mais le résistant est retrouvé dans sa cellule inconscient et portant la trace de nombreux coups. Ouais, il a été tabassé. C'est probable. Son état est tellement inquiétant qu'il est transporté dans une autre prison. Puis dans un hôpital psychiatrique, car il semble atteint de démence. Mmh. Ah, et la folie de Guingouin, là, ça tombe à point pour ses ennemis. Hein. Naturellement. Mais Guingouin est une force de la nature et il recouvre la santé tant corporelle que psychique. Tandis qu'à l'extérieur, des résistants mènent une vigoureuse campagne en sa faveur, avec le soutien du général de Gaulle. Mmh. Et ça se termine comment, alors? Bah, après plusieurs mois de prison, Guingouin est libéré. Mais il devra attendre 5 longues années avant d'obtenir un non-lieu. Le procureur ayant déclaré qu'en son âme et conscience, il ne comprenait pas qu'on ait engagé des poursuites contre Guingouin. Mmh. Mais, bon, qu'est-ce qui explique quand même l'acharnement des communistes contre lui? Bah, il y a d'abord le fait que la direction du parti s'est toujours méfiée de ces combattants de l'ombre. Charles Tillon sera lui aussi exclu. Mmh. Et nombreux seront les autres résistants qui seront éliminés après des procès prétendument politiques que Staline lui-même n'aurait pas renié. Mmh. La peur qu'ils prennent une place trop importante dans les instances du parti. Certainement. Mmh. Et puis ne l'oubliez pas, Thorez avait passé la période de la guerre bien tranquillement en URSS. Mmh. Alors oui, devant lui, ces hommes prestigieux étaient comme des reproches vivants. Ben, ça peut très bien se comprendre, même si en fuyant en URSS, Thorez n'a fait qu'obéir à Staline. Mais je pense qu'outre son indocilité à répétition, Guingouin devait connaître quelques secrets touchant le parti. Et c'est pour ça qu'il fallait le déshonorer et même l'abattre. Quel genre de secret ? En juillet 1944, 3 wagons de la Banque de France ont été attaqués par des maquisards en Dordogne. L'argent a bien sûr disparu, mais il n'a sans doute pas été perdu pour tout le monde. Qu'assurez-vous, là ? Bon, il aurait très bien pu atterrir dans les caisses du parti au lieu d'alimenter la résistance. Il est difficile de se faire une idée de la violence de la campagne calomnieuse menée contre Guingouin. Un seul exemple. Un éditorial publié en 1954 dans le quotidien local est titré « La chasse aux tueurs ». Avec l'aide de tous les braves gens qui se décideront à parler et à rompre le long silence de la terreur, nous espérons venir à bout des tueurs. Georges Guingouin, ancien préfet du Maquis Limousin, naguère encore maire de Limoges par la volonté des communistes déchaînés et des bourgeois apeurés, a été conduit en prison menottes aux mains. Sachant qui il était, je n'ai jamais voulu lui serrer la main. Mais maintenant qu'il est en prison, je laisse à ses amis et à ceux qui l'ont suivi le triste soin de l'écraser. C'est à la justice que Guingouin doit maintenant rendre des comptes. Nous souhaitons seulement qu'il soit bien rendu et nous y veillerons. Nous appelons tueurs, les misérables et les fanatiques qui, pour préparer la conquête du pouvoir par leur parti, n'ont pas hésité à faire place nette des républicains et des patriotes qui pouvaient se mettre en travers de leurs desseins. Et c'est signé le bail, et cela se passe de commentaires. Je vous rappelle enfin le livre de Michel Taubman, L'affaire Guingouin, réédité il y a quelques jours aux éditions Lucien Souny. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements discographiques et bibliographiques sur cette émission. Moins d'accidents sur les routes en 2004, voilà qui réjouit tout le monde. À la GMF, on n'oublie pas que c'est d'abord à vous qu'on le doit. Alors la moindre des choses, c'est de vous en faire bénéficier. C'est pour cela qu'à la GMF, nous appliquons une remise exceptionnelle sur vos cotisations d'assurance auto 2004. Et qu'en plus, nous baissons tous nos tarifs auto dès maintenant sans attendre 2005. C'est ça, être une mutuelle d'assurance. GMF, assurément humain. Dès le 19 octobre, rendez-vous à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour découvrir l'exposition Le Monde de Franquin, un hommage au grand dessinateur belge passionné de science et de technique. De son planche originale, les décors reconstituant l'univers de ses héros les plus connus. Gaston Lagaffe et ses inventions, le marsupilami dans son écosystème, et à ne pas manquer, la salle des mécaniques peuplée de vrais engins. Le Monde de Franquin, c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie dès le 19 octobre. Pour plus d'informations, tapez cité-sciences.fr. Radio France, le journal Le Monde et le Mémorial de Caen s'intéressent à vos origines. Les émotions de vos proches quand ils ont quitté leur province ou leur pays natal pour s'adapter à la vie moderne, vous les portez en vous. Écrivez-nous les plus belles lettres, les plus beaux témoignages de dépaysés, de déracinés ou d'immigrés avant le 30 novembre 2004 à Cher pays de mon enfance, pièce 13-19, 116 avenue du président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16 ou sur radiofrance.fr. Après le journal, Denis Chessou dans C'est haut de mon amour vous emmènera en Sologne à la rencontre de Nicolas Vanier, auteur, metteur en scène du film Le Dernier Trappeur, qui sortira le 15 décembre prochain. Bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 14h. On retrouve Michel Khedifa. Les démissions d'élus se succèdent depuis ce matin dans la Creuse. Ils sont 260, dont 28 maires de toutes tendances politiques à avoir remis leur démission au préfet. Ils veulent ainsi protester contre la disparition des services publics dans leur département. Les élus dénoncent notamment la fermeture de postes, d'écoles et de gendarmerie. Pour eux, c'est la survie de la Creuse qui est menacée. Le préfet a un mois pour accepter ou refuser ses démissions. Dans l'Yonne, le procès d'Émile Louis commencera dans un peu plus d'une semaine. Il comparaîtra pour les assassinats de 7 jeunes filles surnommées depuis les disparues de l'Yonne. Aujourd'hui, plus d'une centaine de personnes ont assisté aux obsèques de 2 des 7 disparues à Auxerre. Leur corps avait été retrouvé à Rouvray dans l'Yonne en 2000 et en 2001. Jacqueline Weiss et Madeleine de Juste avaient disparu en 1977, alors qu'elles étaient âgées de 18 et de 21 ans. Les indépendantistes polynésiens rejettent la victoire de Gaston Flosse. Le sénateur UMP a été élu président.